The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Dish. Le plat. Cooked. Cuit. Mine. Mien. Rare. Saignant. Medium rare. À point. To stand. Supporter. Meat. La viande. Now, a bit faster. Dish. Le plat. Cooked. Cuit. Dish. Le plat. Cooked. Cuit. Meat. La viande. Dish. Le plat. Cooked. Cuit. Rare. Saignant. Meat. La viande. Mine. Mien. Meat. La viande. Medium rare. À point. Mine. Mien. Now, use the words in context. Cuit. Ce plat est trop cuit. Mien. It's mine. C'est le mien. Saignant. Steak. Je veux un steak saignant. À point. This steak is medium rare. Ce steak est à point. Supporter. I can't stand liars. Je ne supporte pas les menteurs.